aux États-Unis, la police a lancé un avis de recherche pour retrouver deux femmes accusées d'avoir dérobé des rouleaux de papier de toilette dans un restaurant McDonald's. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la police a également demandé à la chaîne de télé locale WTOV9 de relayer l'information ainsi que la photo des deux voleuses de papier de toilette. Il a également été précisé que les deux femmes recherchées seraient parties à bord d'un véhicule blanc immatriculé dans l'État de l'Ohio. Si vous reconnaissez la voiture de l'une de ces deux femmes présentes sur la photo, appelez tout de suite la police de Follansbee. Hein? Ils doivent en avoir volé quand même une couple, pas seulement un petit rouleau, certain. Et toujours ici, je crois, on est où? On s'en va plutôt en Turquie. Un chauffeur de bus lâche son volant et va danser dans le couloir, assez inconscient, oui. Donc, cette vidéo fait actuellement scandale en Turquie alors qu'il roulait sur une autoroute. Mehdi Kandemir, un chauffeur de bus turc, a lâché son volant à deux reprises pour venir danser dans le couloir face aux passagers qui ont filmé cette scène. Un comportement extrêmement dangereux qui lui a valu une suspension de permis pour 2 ans. Ben oui, c'est comme ça. Une vidéo d'un fantôme qui terrorise le web en ce moment, ça ne prend pas grand-chose pour terroriser le web. Pourtant, il y a d'autres choses beaucoup plus terrorisantes. La vidéo donc d'un fantôme blanc évoluant de nuit terrorise le web actuellement. Filmée au téléphone portable, elle est d'un réalisme saisissant. Il ne s'agit pas d'un fake, c'est peut-être la plus spectaculaire vidéo de fantôme jamais diffusée. La séquence d'une durée de presque de 3 minutes a été filmée au téléphone portable. La scène digne du projet Blair, eh bien, montre une silhouette blanche se détachant avec netteté sur une route déserte entre Blackburn et Belmont dans le Lancashire, en Grande-Bretagne. Elle est filmée depuis un véhicule. La chose, après quelques instants, semble se faire soudainement menaçante, déclenchant les hurlements et la terreur des passagers. Qu'il s'agisse d'un montage, d'une illusion ou d'un phénomène rationnel ou d'un vrai fantôme, le résultat est le même. La vidéo est vraiment effrayante. Vous irez voir ça et faites-vous votre propre idée. Hein? Je pense que c'est la chose à faire. Sinon, ici, on sait hier, il y avait un très grand rassemblement en France. Hein? C'était le plus grand des rassemblements de l'histoire à Paris. Ah non, je vais vous dire, pardon, c'était pas le nécessairement le plus grand, mais pas mal, hein? Je pense qu'on était 2 millions sur Place de la Concorde. Mais là, je vous envoie un petit diaporama des plus grands rassemblements de l'histoire à Paris et le pourquoi du comment de ces rassemblements. En août 1944, au lendemain de la libération de Paris, 1 million de personnes se rassemblent sur les Champs-Élysées pour acclamer le général de Gaulle. Un 26 août 1944. Sinon, il faut se rendre en 1962, le 13 février, 1 million de personnes, selon les organisateurs, et plutôt 150 000, selon la police, suivent les obsèques de 9 militants communistes ou cégétistes tués lors d'une charge de la police au métro de Charonne à l'issue d'une manifestation anti-OAS. OK. Et là, on parlait de 2 millions hier. Sinon, bien sûr, hein, les événements de mai 68, les deux principales manifestations, le 13 mai à l'appel des syndicats et le 30 mai en soutien au général de Gaulle sur les Champs-Élysées, réussissent à chacune assembler 1 million de personnes selon les organisateurs et plutôt de 500 à 200 000 selon la police. C'est jamais les mêmes estimés ou presque. Hein, les estimés de foule par rapport aux organisateurs par rapport aux policiers. C'est la même chose ici, c'est la même chose partout sur la planète. Hein? On se voit plus gros ou on les voit plus petits selon notre point de vue. En juin, le 24 juin à la Saint-Jean, en 1984, plus d'1,5 million de personnes selon les organisateurs et plus de 850 000 selon le ministère de l'Intérieur défilent pour la défense de l'enseignement privé. Hein? Ben oui. Sinon, autre grand rassemblement qui a eu lieu à Paris, c'est un 4 décembre en 1986, une manifestation contre le projet de loi Devaquet qui rassemble 1 million d'étudiants et de lycéens selon les organisateurs et plutôt 200 000 selon la police. En juillet, un 12 juillet 1998, plus d'1,5 million de personnes selon la préfecture de la police. Quand même, là, c'est selon la police, donc les estimées doivent être assez bonnes, déferlent vers les Champs-Élysées pour fêter la victoire de la France au Mondial de foot. Ben oui, hein, c'est ça qui assemble le plus les Français. À part peut-être ce qui est arrivé ces jours-ci. Le 24 mars, cette fois-ci, 2013,

Aujourd'hui, justement, 2015, c'est une année mémorable à prévoir. Oui. Pour plusieurs occasions, plusieurs événements à venir. Parce qu'en fait, notre État non indépendant possède une histoire peu commune, autant par ses heures de gloire que par ses échecs. Puis ça, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, afin d'honorer notre devise nationale, donc je fais un pas dans cette direction, dans une tentative d'actualiser notre devoir de mémoire. Yes. C'est-à-dire tout ce qu'il faut commémorer en 2015. Ben, peut-être pas tout, là, mais en tout cas, une bonne partie de ce qui touche l'histoire du Québec. C'est ce que je viens de te parler aujourd'hui. Le « Je me souviens ». Exactement. Excellent. Je me souviens de quoi exactement? Ben, c'est ça, hein? On se souvient de quoi? Moi, je me souviens juste de... En tout cas, côté politique, je me souviens pas de choses tellement positives. Mm. C'est ça qui arrive. C'est sûr qu'on s'est fait on se rappelle souvent, beaucoup, c'est ça, on se rappelle souvent des choses les pires, hein, les meilleurs souvenirs, des fois on les oublie plus vite que ouais. Les pires chicanes, genre, tu sais, ouais. Que c'est ça qui me reste un peu sur le cœur. Comme là, la France va se rappeler d'un 7 janvier. Assez rough. Ouais, c'est l'heure 11 septembre, si mm-hmm, on, si tout on peut à fait. Dire, il y a plusieurs chroniqueurs qui ont déjà soulevé ça. Qui ont baptisé l'événement comme ça un peu. Donc, le 2 juin... prochain, oui. On va souligner, par exemple, le 400e anniversaire de l'arrivée des Récollets dans la vallée du Saint-Laurent. Mmh. Les Récollets qui sont des religieux, et l'une de leurs plus grandes contributions était de grandement faciliter nos premiers contacts avec les Amérindiens. Mmh. Si les Américains, eux autres, les repoussaient vers l'Ouest ou les tuaient, nous, on a quand même essayé une tentative de dialogue, de se mixer d'apprendre avec eux. D'apprendre à ce qu'ils faisaient, ouais, d'apprendre leur d'eux langue aussi. Aussi ouais, exact. Et il faut souligner aussi toute leur offre d'éducation, puis évidemment leur important soutien moral aux colons qui quittaient tout pour venir dans qui un pays rien, inconnu à des hivers à moins 40 pour se battre contre la nature, finalement. Et puis c'était des scientifiques un peu de l'époque qu'on aussi. Avait. C'était les seuls, c'était les gens les plus éduqués, finalement. C'est vrai, les premiers botanistes, surtout, ouais. Qu'on a eu, c'était des religieux. Exactement, le clergé. Une autre date, 19 juin 1665, c'est le 350e anniversaire de l'arrivée du régiment de Carignan-Salières. Oui. C'est des soldats français qui étaient venus pour protéger la Nouvelle-France, alors en pleine expansion. Et la moitié de ces soldats va demeurer ici pour se marier et fonder d'immenses arbres généalogiques à travers l'Amérique du Nord. Des grandes familles, les grandes vraiment, premières familles. Là. J'ai pas de nom sous la main, mais... des Carignans, on va en entendre parler, c'est ça, oui. Oui. Sûrement. Oui, on va en entendre parler donc au mois de juin prochain. Il va y avoir des grands rassemblements de familles, sûrement. Là, des oui, grands, oui. Excellent. Comme l'année passée, c'était la venue des 1000 filles du roi oui. Qui a été soulignée oui. En grande pompe. Le 12 septembre oui. 1665, ça va, dans le fond, ça va faire 350 ans de l'arrivée dans la colonie royale de l'intendant Jean Talon. Oh. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit de quoi, l'intendant Talon? Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Ah oh, ben là, je suis pas assez... Mais il me semble qu'il était pas cool, lui. Ben, ouais, moyen. Il était, me semble, il était égoïste. C'est ça. Un peu, puis il a ouvert une microbrasserie aussi. Pas une microbrasserie, mais une brasserie. Ouais, une brasserie, puis il aimait beaucoup l'alcool. Mais dans le fond, il va essayer d'amorcer un important rééquilibre démographique, mais ça va être insuffisant pour concurrencer les colonies américaines. Okay. C'est un gestionnaire habile, un des meilleurs que la Nouvelle-France a connu, et, mais cependant, il manque d'appui solide de sa métropole. OK. Fait que ça, ouais, c'est ça. Ça va prendre la France s'en foutait complètement de nous autres, un peu. Il n'y a aucun roi français qui est venu nous voir. Non. En effet, on a été leur première colonie, mais on a toujours été trop loin. Bon, c'est pas grave. On n'a pas besoin. Quelques arpents de neige, hein, selon Voltaire, on valait pas plus que ça. Exactement. Pourtant, les Anglais, eux autres, ils ont tout de suite vu la richesse du territoire, puis... Mm-hmm. En tout cas, c'est ça. Eux autres, ils s'en ont organisé. Ils se sont organisés, puis ils nous ont organisés. Une autre chose à commémorer, en juillet. Oui. En fait, c'est plutôt triste. En 1755, donc il y a exactement 260 ans, c'est le déportement des Acadiens. Oui. Donc, craignant la rébellion de ceux-ci qui étaient neutres, on va utiliser leur neutralité pour finalement les déporter, pour diviser les familles et... parce qu'ils refusaient, en fait, de prêter le serment d'allégeance au roi d'Angleterre, qui était imposé de façon inconditionnelle. Et donc, M. Lawrence et Monckton vont décider de commencer la déportation sauvage, qui est désormais reconnue comme un génocide, mm-hmm. entre 7 000 et 10 000 Acadiens par les autorités britanniques. Et ça, c'est une totalité de 14 000 habitants. Fait que c'est au moins le deux tiers. Il y en a au moins la moitié qui vont mourir pendant les voyages. OK. Ça va être vraiment atroce. Ils vont en envoyer partout, dans toutes les colonies américaines. Ils vont essayer d'en envoyer en France, mais ils vont être mal accueillis là-bas. OK. Parce que les Acadiens étaient comme plus des Français. vu que ça faisait déjà 100 ans qu'ils étaient partis. Fait qu'ils vont être obligés de requitter la France, puis c'est en Louisiane qu'ils vont trouver comme une sorte de paradis perdu pour essayer de... Bon, on en a quelques-uns ici qui ont resté au Québec aussi, qui se sont sauvés au Québec. Sur la rive sud, ouais, exact. Nicolet, juste ici, là. L'autre côté, voir des Acadiens, puis tout ça, c'est, ça vient de là. Il y a un drapeau acadien qui est juste l'autre côté du pont, ouais, La Violette. Exactement. Immense drapeau acadien qui flotte là depuis plusieurs années quand même. Mm-hmm. Fait que c'est un peuple qui a beaucoup souffert, malheureusement, donc qui a été chassé brutalement de la Nouvelle-Écosse, qui était leur terre, qu'ils habitaient depuis plus de 150 ans. Et aujourd'hui, les Acadiens parlent pudiquement de cet événement comme le grand dérangement. Mmh. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et ceux qui ne sont pas remplacés par des colons anglais voient carrément leur maison brûler pour éviter qu'ils reviennent chez eux. Aïe, aïe. Les Acadiens vont fuir donc vers l'actuel Québec, alors que d'autres, environ 2000, vont retourner en France et ne seront pas très bien accueillis, comme je disais tantôt. La plupart choisirent donc la Nouvelle-Orléans pour remplacer la patrie perdue, comme disait le premier ministre français Valéry Giscard, qui était en visite. D'ailleurs, il était en visite, en fait, chez les Cajuns, et qui vient du terme « Cadienne », en fait, de l'Acadie. Oui. Et ça va devenir une transformation du français. Cadienne, Cajun, Cajun. Exact. C'est fascinant. Oui, vraiment. Et désormais, peu importe leur pays, les Acadiens fêtent le 15 août de chaque année un pays qui n'existe plus. Et Antonine Maillet va dire « Être Acadien, ce n'est pas... occuper un territoire, c'est être descendant de quelqu'un. Mmh. Ouais. Et l'année passée, on fait des grosses fêtes aussi. Oui, bien, c'est ça. Chaque 15 août, il y a un festival international des Acadiens qui se fait au Nouveau-Brunswick, oui, là, pour rassembler toute cette communauté, cette diaspora à travers éparpillée. La planète. Oui, ouais, tout à fait. Bon, quelque chose de plus joyeux. Oui! Toujours en juillet. 13 juillet 1855, donc on va fêter le 160e de l'arrivée au port de Québec de la Capricieuse, qui est le premier navire de la marine française à venir au Canada depuis la conquête de 1760. Fait que ça a pris quasiment 100 ans avant qu'il y ait un contact réel avec la mère patrie. Et le bateau va être autorisé par la reine Victoria et va être rempli de livres, de magazines, de revues, de journaux, donc d'archives. De culture. Oui, de culture française pour nous. Et ça va être, dans le fond, un synonyme là, des premières retrouvailles de la France avec son ancienne colonie. C'est un véritable baume, surtout qu'on venait de perdre en avril 1849 la bibliothèque du Parlement de Montréal. Et ça, c'était la plus grande en Amérique du Nord. Et c'était là où étaient conservées les archives de la Nouvelle-France. 25 000 livres qui sont partis en fumée, malheureusement. Et selon mes recherches, parce que j'étudie en histoire... Oui, on sait ça. Le poète patriote trifluvien Joseph-Guillaume Barthes serait en partie responsable de la venue de la corvette française 2 ans plus tôt. Il était âgé de 37 ans, puis a été envoyé en France par l'Institut canadien pour renouer des liens avec les Français. Dans le fond, on voulait que l'Institut canadien de Montréal soit reconnu par l'Institut français là, de Paris. Et après cette visite, les rapports sont beaucoup plus confiants entre le Canada et l'Angleterre, et la France privilégie cette relation-là. Les liens sont resserrés pacifiquement. La France va même ouvrir 3 légations, 2 dans les Maritimes puis une à Québec, puis ça va devenir en 1859 le premier consulat des gens d'ambassade au Canada. Exactement. Et le drapeau tricolore aussi de la France va être alors utilisé de plus en plus par les Canadiens français qui s'en servent comme emblème, alors que le tricolore canadien des Patriotes, celui qui est vert, blanc et rouge, donc qui était proscrit et donc surtout tabou. Okay. Et donc pendant toute la fin du 19e siècle, c'est vraiment le tricolore français qui va devenir un symbole là, patriotique au Canada français. Ah, ça, j'apprends ça. Oui, depuis, dans le fond... Parce que le drapeau acadien, c'est le drapeau français avec une étoile. Exactement. C'est presque le drapeau français. Oui, mais j'apprends ça. Et l'étoile, je crois que c'est la patrie perdue, ou c'est vers ça qu'ils visent. Okay. Puis si un jour les Acadiens allaient retrouver leur indépendance, ben ils allaient comme enlever l'étoile parce qu'ils allaient atteindre leur but. Ah, c'est bien. Et puis, question, les couleurs rouge, vert, blanc pour les Patriotes, viennent d'où? Tu sais pas. Non, c'est pour ça que je demande à la sommité devant moi. Dans le fond, c'est très simple. Bien, il y a deux options. Soit que c'est le tricolore français qu'on a voulu mettre à la sauce canadienne. Okay. Mais plus particulièrement, c'est que le blanc représente les Français. Oui. Le rouge, les Anglais. Et le vert, pour les Irlandais. Okay. Parce que les Irlandais étaient aussi des catholiques, oui. Donc aussi beaucoup opprimés par la couronne britannique. Et donc, c'est, autant Français, Anglais qu'Irlandais ont été des alliés contre l'Empire britannique. Ah. Pendant la rébellion des Patriotes. Ah, ben merci de l'information. Ça fait plaisir. Donc, on a du temps, on a du temps. 2015, c'est aussi le 100e anniversaire de la création du Cercle des fermières. Ah oui. Je ne les connais pas particulièrement. Mais on se fait longtemps qu'on entend parler du Cercle des fermières. Ouais, on les salue. On les salue bien bas. Il faut souligner aussi le 100e anniversaire du premier cours universitaire d'histoire nationale au Québec, qui a été fondé par Lionel Groulx. Un grand historien. Mm-hmm. En 1920, celui-ci va déclarer fièrement une phrase qui va devenir très célèbre dans les milieux nationalistes. Je l'adore. « Notre État français, nous l'aurons. À l'intérieur de la Confédération, si possible, ou à l'extérieur, s'il le faut. » Ah! C'est toujours pertinent c'est aujourd'hui. C'est toujours pertinent en 2015. Mais sinon, la chose qu'on va entendre le plus parler, je crois, cette année, c'est le 20e anniversaire du référendum de 1995. Oui. Et surtout, ça risque de coïncider avec les élections. Période électorale. Exact, ça c'est ce que je me disais. Ça va être assez fascinant là, de voir ça. Là. Les souverainistes vont être à l'honneur. Le nationalisme, la fierté québécoise, mm-hmm. le pays qu'on s'est fait voler finalement il y a 20 ans. Faut encore en parler. Ben oui, on va être en élection. Il va falloir décider qui s'en va à notre tête. Et donc, 30 octobre 1995, c'était la seconde tentative quasi victorieuse hein, du peuple québécois d'obtenir enfin, après mai 80, leur souveraineté étatique, qui était assortie d'un partenariat. Il y a quand même 92 ou 93 des électeurs qui avaient voté à cette époque-là. C'est immense, là. Mm-hmm. À cette heure, les élections font même pas 60 de vote. Donc, il y avait une excellente participation. Il y a finalement 49,4% de pour et 50,6% contre, une différence finalement de 52 000 voix. C'est pas beaucoup. C'est ridicule. Les francophones votent oui dans une proportion de 60% environ. Quand même, les francophones se sont dit oui, se sont donné un pays. Et les anglophones ont voté non à plus de 90%. Quand même. Yves Michaud, lui, a appelé ça un vote raciste. Mm-hmm. Le lendemain, le premier ministre Parizeau, chef du camp du oui, se retire de la vie politique en démissionnant, considérant avoir failli à sa mission. Pourtant, avec ce résultat, c'était clairement un match nul entre le Québec mm-hmm. et le Canada. Et donc, la commémoration du dernier plus grand événement politique dans la vie québécoise s'accompagne aussi des démarches malhonnêtes du fédéral qu'on a pu découvrir au fil du temps et qui donna raison à Jacques Parizeau, au moins sur l'argent. Mm-hmm. Parmi ces magouilles politiques, on retrouve le Lovin du 26 août 1995, oui. Le fameux Lovin, dans le fond, que le gouvernement avait, et Villarail avait donné là, des passes gratuites passes, pour puis... venir envahir la place là, du Canada à Montréal pour dire qu'on vous aime, on vous aime pendant une journée, puis après ça, on ne veut plus on rien savoir. Oublie. Y a aussi 75 000 voteurs qui ont eu une origine douteuse. OK. Je vais y revenir dans quelques instants. Si 75 000 ont eu une origine douteuse, ouais. Puis que tu dis qu'il y en a 5, il y avait juste une différence 000. De 52 000 Alors, voix. On se l'est-tu pas fait voler à peu près, hein? Il y a aussi le scandale des commandites du Parti oui. libéral du Canada de 1997 à 2003 qui a été révélé par la commission Gomery en 2004. Oui. Il y a aussi les secrets et les tentacules d'Option Canada. Puis à ce sujet-là, il faut absolument lire l'ouvrage conjoint des journalistes Robin Philpot et Normand Lester, okay. qui est sorti en 2006. Et Normand Lester, qui était journaliste de Radio-Canada, oui. qui a été mis dehors à cause de ses vues indépendantistes okay. ou son esprit critique. À cause de son intelligence, finalement. Oui, sa soif de découvrir la vérité. Exact. Hein, Et Jean-François Lisée est très clair à ce sujet-là. En fait, je le cite. « Confronté aux révélations montrant que l'émission de certificats de citoyenneté avait augmenté de 440% dans le mois précédent le référendum, au mépris des règles normales, quel remords fut exprimé par la ministre libérale fédérale Lucienne Robillard? Aucun. » Lucienne Robillard, ça dit-tu quelque chose? C'est celle qui préside actuellement la fumeuse commission de révision permanente des programmes instituée comme artifice par le gouvernement Couillard pour justifier l'austérité à l'aune de la rigueur budgétaire. Quel beau pays! Quel beau pays! Puis là, ils vont aller jouer dans la caisse de dépôt et placement. Ouais, ouais, ouais. Ben oui. On va aller payer des ponts avec ça. Payer des infrastructures. Ouais, ouais. Que le fédéral ne veut pas payer, même exact, si ça c'est job, ça. Exactement. C'est son travail. Ridicule. Tu sais, c'est le bas de laine des Québécois, là. Puis on va en avoir besoin. La population est en train de tout mourir. On est tout en train de vieillir. Puis on fait pas d'enfants. C'est le moment de pas toucher à ça, la caisse de dépôt. Puis surtout qu'à chaque fois qu'une entreprise ferme, moi, je suis déçu qu'on les soutienne pas. La caisse de dépôt pourrait servir à ça, à racheter les entreprises en faillite pour éviter de perdre ces emplois-là. Non, on est mieux donner des subventions puis les perdre après quelques années. Ouais. C'est vrai qu'une une route dans le Grand Nord, c'est vraiment utile. Hein. Ça nous permet On a tous besoin d'y aller. Ouais. En tout cas. Et pour terminer, il faut également se rappeler des événements plus récents, tels que le suicide de notre héros national, André Dédé-Fortin, chanteur et leader des Colocs, donc le 8 mai 2000. Par ailleurs, il y a 10 ans, Fatima Houda Pépin, alors députée libérale depuis 1994 et d'origine marocaine, faisait adopter une motion à l'unanimité à l'Assemblée nationale s'opposant à l'implantation des tribunaux islamiques au Québec et au Canada. C'est un peu dans l'air du temps. Totalement. Fait que je trouvais ça intéressant. Malheureusement, elle a été battue par le sinistre docteur Barrette dans sa conscription, qui est d'ailleurs celle du pont Champlain. Gros dossier à suivre cette année. Le gros dossier à suivre, c'est le docteur Barrette? On ne peut pas le manquer. Et la même année, en 2005, je te rappelle aussi qu'il y a deux célèbres manifestes politiques qui exprimaient des visions réalistes de la gauche et de la droite qui s'affrontaient dans l'espace médiatique, les lucides et les solidaires. Donc, je vous souhaite une excellente rentrée à tous. Merci, Jeff. Faut garder le moral, je veux dire. Ben oui, c'est sûr. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de l'origine du drapeau québécois qu'on va fêter le 21 janvier. Et donc, pour terminer, je vous invite à une pièce d'Alexandre Béliard, qui est un bon compositeur là, québécois, nationaliste. Il a fait 4 albums à date. Je ne sais pas si tu le connais. Non, ben, le nom, on en a joué ici quelques fois, okay. Mais je ne connais pas. C'est ça, il fait des pièces comme sur la bataille de Saint-Denis, des Patriotes, Papineau, Gaston Miron, la baie d'Hudson, Marie Rollet, la crise d'octobre. Michel Lalonde, qui a fait « Speak White », son fameux poème lors de la nuit de la poésie. Et donc, parmi ses chansons, c'est un guitariste qui revalorise notre passé en chanson. Et je trouve ça fascinant. Et donc là, je vous invite à écouter « Quelque chose comme un grand peuple », donc qui fait référence à René Lévesque. Alors voici Alexandre Béliard sur son tome 1. Yes, on écoute. J'ai appris des chants de bataille et des visages de ceux qui luttent et de leur cœur tout le courage puisé à même ce qu'ils croient juste. Puis j'ai foncé tout droit devant comme ceux qui avancent en sachant qu'ils ne seront plus jamais les mêmes pour ce qu'ils défendent et ce qu'ils aiment. En rêvant pour la première fois de quelque chose comme un grand peuple combattant jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la naissance d'un grand peuple. J'ai porté les espérances jusqu'à l'aube de mon pays. J'ai vu poindre la délivrance en un seul mot, en chaque oui. Attendez que je me rappelle De Gaulle se ralliant à nos cris. Et 76 comme un poème et des combats de toute une vie. En rêvant pour la première fois de quelque chose comme un grand peuple combattant jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la naissance d'un grand peuple. En rêvant

Donc, retirer la mousseline à la fin de la cuisson. Ah! Ceux qui aiment les confitures, ben écoutez notre émission du midi, le dîner de confiture. Ça parle tout le temps de confiture. Sans arrêt. Ensuite, on parle de crêpes. Pour les conserver au chaud. Tu sais, quand tu fais cuire des crêpes, des fois, ça peut être long parce qu'il faut que tu en fasses juste cuire une à la fois. Donc, réservez-les dans une assiette posée sur une casserole d'eau bouillante. Et ça va garder la température. Et si votre pâte à crêpes a des grumeaux, passez-la au tamis et écrasez les grumeaux avec une cuillère. Et on n'aura pas de grumeaux. Où c'est que t'as mis le tamis? C'est que t'as mis le tamis. Ah, c'est tamis le tamis. OK. Hystérectomie. Comment? Ah. Et finalement, pour empêcher, par exemple, un gâteau de colorer trop vite. Donc, des fois, si c'est un gros gâteau, il va pas cuire assez rapidement en dedans, mais il va colorer beaucoup à l'extérieur. C'est facile, recouvrez-le d'une feuille d'aluminium ou placez une tôle froide au-dessus. Voilà! Wow! Plein de trucs! C'est magique! Uh-huh. C'est fantastique! Et on fait ça toutes les semaines, aux deux semaines, tu sais. Toutes les semaines, aux deux semaines. Ouais. Master Steph, l'autre semaine, en alternance, c'est une grosse pointe à l'adresse. Voilà! Génial, merci Steph! Ça fait plaisir! Master Steph, mercredi à 9h aux deux semaines. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Je vous envoie ces fruits exotiques incroyables que vous voudriez essayer, hein, que vous savez peut-être même pas qu'ils existent, puis je suis dans le même cas que vous, hein. J'essaye pas de faire mon gars plus brillant, là. Je vous envoie donc tout de suite ces fruits exotiques étonnants, j'en ai une dizaine. On commence avec la chérimole. Chérimole. Premièrement, je vais vous décrire un peu qu'est-ce qu'il y en est avec ce fruit, parce que vous n'avez pas la photo vis-à-vis le visage. Eh bien, ça ressemble à un peu un gros chou de Bruxelles, on pourrait dire ça. Un gros chou de Bruxelles. C'est vert, ça ressemble à un gros chou de Bruxelles, je peux dire ça. Donc, ne vous fiez pas à son apparence, l'extérieur de ce fruit vert en forme de cœur ne se mange pas. Une fois bien mûr, il devient doux au toucher, sa peau devient marron et son intérieur devient crémeux. Son goût est semblable à celui d'un mélange entre la banane et l'ananas. Par contre, ne mangez pas les petites graines noires. OK? Avec 7 grammes par fruit, la chérimole contient plus de fibres qu'une pomme et couvre en plus 60% des apports journaliers recommandés en vitamine C. Mais là, moi, j'aurais aimé savoir pourquoi faut pas manger petite graine noire. C'est-tu poison? Ça te rend-tu malade? Qu'est-ce que ça fait? Hein? Mais on ne le saura pas tout de suite. On aura plus d'informations avec la chérimole dans un autre épisode. Sinon, la carambole, celle-là, on la connaît, hein, c'est le fruit étoile, hein, c'est ce fruit qui est coupé en tranches, un fruit tropical qui ressemble à une étoile, Il ajoute donc un petit goût acide au plat à base de crustacés ou de viande et fait de très bonnes confitures et chutney. Ben oui, ça fait un petit côté acide, un petit côté marmalade. Frais ce fruit est gorgé d'eau comme une pastèque et croquant comme un concombre. D'après ABC News, il ne contient que 28 calories, mais aussi beaucoup de potassium, des fibres et plus de la moitié en apport journalier recommandé en vitamine C. Donc, c'était la carambole. Sinon, les kumquats, avec leur air d'orange miniature, ces fruits sont mignons tout en étant forts en goût. Bien qu'ils semblent faire partie de la famille des agrumes, des citrus, certains botanistes les classent dans la catégorie des Fortunella. Toujours est-il qu'ils sont remplis de vitamine C, de fibres et autres, et pas besoin de les éplucher, vous pouvez les manger entiers. Ah ben ça, par contre, je ne le savais pas. Les kumquats, j'aurais été porté à l'éplucher la petite mini-orange. Un conseil, évitez la version confite. Tout le sucre ajouté pour faire disparaître l'acidité naturelle du fruit ne fait qu'apporter des calories inutiles. Coupez-le en tranches dans des salades ou faites-en un chutney. Bonne idée. Avec la carambole, là, ça pourrait bien marcher. Sinon, le pitaya, également connu sous le nom le fruit du dragon, ce fruit rose d'un cactus, c'est un cactus, éguera vos assiettes. Son goût est cependant moins exceptionnel que son aspect, ce qui explique pourquoi le fruit est généralement ajouté dans des plats ou dans des boissons aux saveurs douces. C'est ce qu'explique le New York Times. Riche en fibres et en antioxydants, le pitaya contiendrait aussi des prébiotiques. Eh bien oui. Oh, ce fruit-là, je ne l'ai jamais vu. Le pitaya, oui, mais la main de Bouddha. Bizarre de fruit, on dirait une maladie. C'est un fruit original qui est d'une variété de cédrate. Je ne sais pas toujours le cédra ou le cédrate. Il a un goût, citronné, mais sa texture ne ressemble pas à la pulpe des fruits de la famille des agrumes. Eux autres, en France, ils disent la famille des citrus. Non, on dit les agrumes. Bourré de vitamine C, la main de Bouddha a une peau très appréciée pour son zeste, bien plus parfumé que celui d'autres agrumes. Donc, je vous explique un peu. Ça ressemble à rien, OK? C'est des tiges qui partent dans toutes les directions. On dirait des petits piments jaunes, toutes pognées ensemble, avec une genre de peau en texture d'orange. Assez particulier, la main de Bouddha. Je ne connaissais pas, mais pas du tout ce fruit. Autre fruit ici, magnifique, c'est vraiment très beau, le kiwano. Est aussi surnommé le melon à cornes. Ce fruit semble tout droit sorti d'un jeu vidéo. Sa chair verte est très juteuse et a un goût surprenant entre la courgette, le concombre, le kiwi et la banane. Assez particulier. Comme on dit tantôt, c'est un genre de melon et qui a des pics. Il ressemble un peu à un poisson globe, le fruit, avec plein de pics partout. Principalement composé d'eau, ce fruit vous permettra de rester bien hydraté tout au long des chaudes journées d'été et de faire le plein de potassium ainsi que de vitamine A, C et de fer. Vraiment, le kiwano me semble bien appétissant et c'est vrai qu'il a l'air tout droit sorti d'un film ou d'un dessin animé ou d'un jeu vidéo. La pomme de Jacques, autre fruit exotique assez étonnant. Le fruit du jacquier est l'un des plus grands fruits à pousser sur un arbre. Il peut atteindre 40 kilos. La pomme de Jacques. Riche en amidon, la pomme de Jacques permet de faire de bonnes chips maison, mais aussi peut être mangée crue. C'est une bonne source de vitamine C et de manganèse, un oligo-élément nécessaire au bon fonctionnement des nerfs ainsi que du cerveau. Avec voir ma diction, là, j'aurais besoin de pommes de Jacques tout de suite. Venez me servir de la pomme de Jacques, s'il vous plaît. Donc, le autre fruit exotique, le rambutan, aussi appelé le litchi chevelu. Ce cousin germain du litchi se mange de la même façon, cru sans sa coque ni son noyau. Préférez la version fraîche, concentrée de vitamine C, fer et manganèse aux fruits en sirop, qui seront bien sûr beaucoup trop sucrés. Mais ça, on peut dire ça pour tous les fruits, hein? Autre fruit exotique assez étonnant, c'est le mangoustan. Sous cette carapace, le fruit du mangoustanier, eh bien, il renferme des saveurs proches des agrumes et de la pêche, à la fois sucrées et aussi acides. Rempli de fibres, de fer et de vitamines B et C, il peut être assez cher au rayon des fruits et des légumes, mais il est très sucré au rayon des conserves. Donc, on oublie le mangoustan en conserve. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un mélange entre... avant de l'ouvrir, là, ça ressemble à un mélange entre noix de coco et un avocat. On pourrait dire ça de même. Et puis, le fruit à l'intérieur est blanc. Et la carapace semble bien dure. C'est pour ça que je dis que ça ressemble un peu à la noix de coco. Et finalement, je crois que c'est le dernier, oui. Et finalement, le curcuma. Premièrement, je ne savais pas que le curcuma était un fruit, mais quand même. Voilà maintenant de quoi épicer un peu vos salades de fruits et vos smoothies. Le site Marmiton propose par exemple de l'utiliser dans une salade d'ananas aux épices et à la menthe. En dehors de son goût, le curcuma est réputé pour son pigment principal, le curcumine. Certaines recherches suggèrent que ce composant aurait la capacité de prévenir certains cancers, comme l'arthrose et même la maladie d'Alzheimer, d'après l'American Cancer Society. Et comme tous les autres herbes et épices, le curcuma ajoute beaucoup de goût et très peu de calories. C'était les aliments des fruits exotiques assez étonnants. Et là, restons dans le domaine des fruits et légumes. Mais, tu sais, là, on vient d'aller apprendre tout ce qui est bon, fruits et légumes. Waouh, c'est merveilleux, excellent, blablabla. Mais ce qui est triste, et puis ça, je l'ai appris même en fin de semaine, pas en fin, oui, je l'ai appris en fin de semaine, mais durant le congé des fêtes, eh bien, il y a eu un rappel pour les pommes Granny Smith qui auraient été contaminées à la listériose. Mais en plus d'être contaminées à plein d'affaires, eh bien, les fruits peuvent être contaminés par des pesticides. Et là, je vous envoie les 10 fruits et légumes les plus contaminés par des pesticides. Ça, c'est assez plate. Parce que des fois, on pense qu'on mange bien, on mange pour la santé, et finalement, on est en train de s'empoisonner. Un des fruits les plus souvent contaminés par les pesticides, eh bien, ce sont les concombres ainsi que les courgettes. Plus d'un tiers des concombres et des courgettes seraient contaminés selon le EFSA. Mais selon Claude Aubert, le simple fait de les éplucher permet de se débarrasser d'une bonne partie des pesticides. Rappelons que ceux-ci sont pulvérisés à l'extérieur. Oui, mais moi, pourtant, on dit tout le temps, mangez la croûte de vos... pas la croûte, là, mais la plure de vos cornichons, manger la plure de vos légumes, c'est là où se retrouve le plus de vitamines. Parce que si on prend un concombre et on l'épluche au complet, et je vous dis, au milieu, il ne reste plus grand-chose. Pour vrai, là, c'est dans la verdure que se trouve le bon. Mais en tout cas, on apprend que plus d'un tiers des concombres sont contaminés aux pesticides. Alors, on s'empoisonne quand on mange des concombres. Assez triste. Les légumes secs, comme les pois, les haricots, les lentilles, on apprend que 40% des pois, haricots et lentilles seraient contaminés par des pesticides. Ça, c'est atroce. Les fruits à noyaux, comme les avocats, l'abricot et les mangues, attention, c'est là que ça devient très inquiétant. Plus de la moitié des fruits, des fruits à noyaux, 54% seraient porteurs de résidus de pesticides. Il faut savoir que ces fruits sont très attaqués par les insectes et donc ont besoin de nombreux traitements. Sérieux, ça me donne plus le goût de manger des fruits et des légumes. Mais on est là, faut faire attention. Sinon, les fruits à pépins comme les pommes, etc. La pomme est extrêmement attaquée par les vers et autres insectes, rappelle Claude Aubert. Elle est la plante la plus traitée en France. Résultat, 65% des échantillons de pommes et poires rangés dans des catégories des fruits à pépins étaient porteurs de résidus de pesticides. Et si ça tue des insectes, dites-vous qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous. J'aime mieux pas y penser. Finalement, tantôt, là, on dit les 10 fruits et les légumes les plus contaminés par les pesticides. Eh bien, c'est les 10 fruits et légumes qu'on mange le plus souvent, on dirait. Hein? Parce que là, on rentre dans les poivrons, hein? Qui sont eux aussi très souvent attaqués par les insectes et font l'objet d'un traitement intensif. Les deux tiers, 66%, seraient porteurs de résidus de pesticides. C'est atroce, à égalité environ avec les pommes. Et comment de fois on va prendre, moi, je vais prendre des poivrons comme ça, on les passe à l'eau, c'est tout, hein? C'est un petit rinçage à l'eau, tout simplement. Et puis, envoyez ça dans la bouche. C'est vraiment, ça, ouf, hein? Autres fruits et légumes les plus contaminés sur la planète par les pesticides, eh bien, c'est la salade. Environ les deux tiers des échantillons de laitue analysés présentaient des résidus de pesticides. Eh bien, la laitue, vous le savez, est cultivée sous serre, ce qui pourrait expliquer que les pesticides ne se dissipent pas dans l'air. Ce qui pourrait expliquer, ce qui expliquerait pourquoi, à l'échelle mondiale, la salade est le végétal le plus contaminé au monde. Sérieux, puis après, on va dire, mangez de la salade, mangez des légumes, mangez... Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, faites pousser vos légumes, faites pousser vos fruits, parce que, sérieux, on n'a aucune chance de s'en sortir. Parce que là, on parle même pas que c'est des fruits bio ou pas, là. Hein? Parce que ça aussi, c'est encore assez de la crosse quand tu te dis c'est bio ou éco-responsablement poussé, là. En tout cas. Autres fruits des plus contaminés sur la planète, eh bien, ce sont malheureusement les fraises. Pour la même raison que la salade, la fraise est elle aussi assujettie aux pesticides. 71% des échantillons analysés présentaient des résidus. Finalement, on est rempli de pesticides, c'est ce qui nous tue, là. Les agrumes, 75% des citrons et oranges seraient porteurs de résidus de pesticides. On va aller tout de suite se garrocher dans le rayon des fruits. Hein? Les framboises, 75,9% des framboises seraient contaminées. Finalement, toutes les... C'est, je vous ai dit tantôt, c'est tout ce qu'on mange. et contaminé de pesticides, mais de façon extraordinaire. Les raisins, à l'échelle mondiale, seuls 74% des raisins seraient porteurs de pesticides. Mais en France, il serait plus de 81%. Le raisin porte le triste record du nombre de pesticides utilisés. 26 à lui seul, déclare Claude Aubert. En plus, le raisin présente un vrai désavantage. On ne peut pas l'éplucher comme d'autres fruits, alors que c'est sur la peau que se dépose le plus grand nombre de pesticides. Que dire de plus? On arrête de manger? Ben, c'est à peu près la seule solution qui nous reste. Aïe, aïe. On va aller, tiens, ici, parler du gène Avpria. Qu'est-ce que c'est le gène Avpria? Eh bien, il serait à l'origine de l'infidélité. Les gènes sont souvent à l'origine de plusieurs dysfonctionnements physiques et mentaux de l'homme et de la femme aussi. Hein? Aux dernières nouvelles, il serait également responsable de l'adultère. En fait, selon les chercheurs de l'Université du Queensland en Australie, l'infidélité serait génétique. C'est ce que rapporte le journal The Telegraph. Donc, le Avpria serait le gène de l'infidélité. Afin de tester leur théorie, les chercheurs ont choisi 7300 jumeaux âgés de 18 à 49 ans en couple depuis longtemps, et sur ce bassin, 9,8% des hommes et 6,4% des femmes ont admis avoir eu au moins deux partenaires sexuels dans l'année précédant l'enquête. Dépendamment s'il s'agissait de vrais ou de faux jumeaux, les scientifiques en sont venus à la conclusion que ceux qui avaient le gène Avpria avaient été infidèles. Les résultats de leur étude permettent donc d'affirmer que 63% des hommes ainsi que 43% des femmes infidèles le seraient en raison de leur patrimoine génétique. Ben, une belle façon pour les crosseurs et les crosseuses du monde de justifier ainsi leur écart. Tromper l'autre, hein, ça demeure et ça demeurera toujours un choix. Point. Mais oui, il y en a que c'est peut-être plus difficile de lutter contre eux-mêmes. On pourrait dire ça. Et elle, cette dame-là, doit avoir ce gène-là, Avpria. Hein? Une enseignante avec bénéfice, son maçon de guillemets, récidive avec un ado. Ben oui, elle est charmante, l'enseignante. Hein? Une enseignante américaine, qu'on a sûrement parlé ici durant le dîner de cons, durant un autre épisode en octobre 2013. Une enseignante américaine qui venait tout juste de recouvrer sa liberté après avoir eu des rapports sexuels avec des élèves, eh bien, elle a récidivé. Je pense que c'est dans ses gènes, hein? c'est ça, c'est génétique. Donc, en octobre 2013, Brianna Altis, enseignante à l'école secondaire David High School de l'Utah, a été arrêtée pour avoir eu des rapports sexuels avec l'une de ses élèves. Oh, avec l'une de ses élèves! Les autorités affirment que la jeune femme a entretenu une liaison avec l'étudiante de 16 ans de janvier à septembre. En août 2014, un autre adolescent a dénoncé sa professeure avec qui il avait eu plusieurs relations sexuelles. OK, c'est une coquine qui joue sous tous les plans, ça c'est encore plus sexy. Donc, l'enseignante qui venait d'être libérée sous caution a été arrêtée de nouveau la semaine dernière pour le même genre de crime sexuel. Je pense que c'est génétique. Selon les documents de la cour, la jeune femme de 35 ans aurait eu des rapports oraux avec un mineur à deux reprises durant sa liberté conditionnelle. Elle aurait également envoyé des images de sa poitrine nue au même jeune homme. Altis fait face aujourd'hui à 14 chefs d'accusation, y compris viol et sodomie forcée au premier degré. Hein? Au dernier décompte, il y avait eu au moins 3 adolescents impliqués dans l'affaire qui ont fourni des détails de leur aventure avec l'enseignante extraordinaire. Brianna Altis sera entendue en cours le 15 janvier prochain lors de l'audience préliminaire. Désolé, mais c'est juste que viol et sodomie forcée au premier degré, c'est elle qui s'est faite faire... En tout cas, comment tu peux forcer quelqu'un à te sodomiser? Assez, gars, il reste beaucoup de questions à répondre ici. Restons dans le coquin. Hein. C'est Allison Williams dans une scène peut-être jugée trop osée pour la télévision. Pendant que tous les yeux étaient rivés sur le Hamal Clooney, sur la femme de George Clooney, hein, Hamal, au Golden Globe, eh bien, l'actrice Allison Williams apparaissait dans une scène graphique, pornographique à HBO dimanche soir. Donc, le nom de la fille de 26 ans du journaliste et présentateur américain Brian Williams est sur toutes les lèvres depuis lundi. Depuis le coup d'envoi de la quatrième saison de Girls. Moi, je sais pas c'est quoi. mais ça m'a quand même touché quand j'ai vu la photo. Lena Dunham, l'actrice controversée qui signe la série, a écrit une scène très crue pour la première émission. La jolie Allison, dont on parle, eh bien, reçoit un nanulingus contre le comptoir de la cuisine. En tout cas, la jeune femme a expliqué les dessous de la séquence lors d'une entrevue accordée à Entertainment Weekly. Elle raconte qu'elle portait une invention à moteur qui faisait vibrer son derrière, créée par l'équipe de costumes et de maquillage. L'exploit d'ingénierie, comme elle l'appelle, a été développé à partir d'une gaine et à partir de serviettes hygiéniques. L'acteur ne pratiquait donc pas vraiment l'acte oral. Et il y avait quand même la face à cet endroit. Et quand on nous dit un anulingus, ben ça peut être un cunilingus, mais par derrière aussi. Hein? Comment? Si vous connaissez l'anatomie féminine, pas besoin de beaucoup d'imagination pour ça. Mais bon, plusieurs fans de la vedette de Peter Pan Live ont été étonnés de la voir dans une telle situation et entendaient impatiemment les commentaires de son célèbre père. Ce dernier s'est confié à Vulture. Eh bien, je cite le papa. « Elle a toujours été une actrice. Pour nous, c'est comme de regarder faire son travail et nous nous rappelons que c'est un jeu. Aucun animal n'a été maltraité durant le tournage et idéalement, personne n'a été blessé. » Brian Williams est autant reconnu pour son sérieux légendaire que pour son sens de l'humour. Il a notamment fait les manchettes pour ses vidéos humoristiques aux côtés de Jimmy Fallon. Ben c'est ça. Hein? Bravo à Allison Williams. Et on reste dans les tendances web et un peu coquines. Bizarre celle-là. Hein? Vraiment bizarre. C'est le Glam Hospital. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de glam dans l'hospital. Une tendance web qui vient de prendre tout son sens sur les réseaux sociaux. Wow! Depuis quelques semaines, les personnes grippées se bousculent aux urgences afin de trouver une solution aux maux qui les affectent. Alors, pourquoi ne pas dédramatiser la situation avec le mot dièse Glam Hospital qui a été créé pour cette raison? Des personnes ont partagé sur les réseaux sociaux des photos loufoques de leurs expériences à l'hôpital. Plusieurs Québécois pourraient facilement embarquer dans le mouvement ces derniers temps. Ben oui, tout à fait. Assez bizarre, tout ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Véronique Mire, bonjour Véronique. Hey, salut. Yeah, enfin, ouais! Ça fait tellement longtemps qu'on s'est parlé. On va te présenter un peu mes avancées. On met ton intro, c'est le Véronique Sionnaire. Ah, Véronique Mire. Ah, ça me manquait cette petite musique-là. Là. Oui. Moi aussi. Que ça fait longtemps. On s'est pas parlé depuis, je dirais, moi j'estime peut-être un an et demi, mettons. Ben, je pense que c'était mars l'année passée. Donc, ça fait moins d'un an? Ouais, moins ça d'un an. Ça a eu l'air d'un an mais et demi. Mais c'est quand même énorme. C'est là. Ça. C'est tellement long qu'elle n'est pas là. Aïe, c'est aïe, vraiment aïe. Long. Vous êtes fous. Mais quand tu étais là, on avait tellement de plaisir ensemble, on a parcouru l'alphabet à partir de, je crois, la lettre Z. Ouais, exact. On était là à reculons pendant un bout de temps, et puis là, on était rendu à la lettre F. La lettre F. Tu vois, on a franchi un bon... Voilà, un était bon... son affaire. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr qu'elle approchait le plus à son affaire que moi, parce qu'aucunement je me rappelais de ta lettre. Aucunement. Mais F. Mais tu te rappelais du G, Geisha, ça t'avait allumé quelque chose. Oui, tu m'en as parlé, et c'est vrai parce que mon chat s'appelle Geisha, donc ça veut dire qu'on avait fait la lettre G, c'est sûr, je n'ai parlé en nom. Bon. Donc, lettre F, comment est-ce que ça fonctionne le vrai dictionnaire, c'est que tu trouves des mots? Oui, exactement. Ben, de Z à A, je me suis dit, A à Z, là, on connaît ça. On va faire Z à A, là, puis c'est vraiment un peu de tout. Culture pop, curiosité, trucs culinaires, un peu vocabulaire, des expressions et tout ça. Là, donc, des curiosités personnelles. Bon, on aime ça, on est curieux. Ben oui, ben oui. Puis autant que possible, des choses qu'on connaît pas trop. C'est ça. On parle pas de facilité. Hein? Non. Fastoche. Quand même. Fuck you, le fastoche. Je cherche des mots qui commencent par F. Franfreluche. Oui, franfreluche, en effet. Référence sexuelle. Fesse. De fer. Donc, j'essaie que ce soit aussi fabuleux et fantastique que possible. Ah, c'est bon. Voilà. Allons-y. Donc, F, je vous l'annonce, elle sera découpée en deux parties. Hein, parce que là, depuis M, là, de Z à...

Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con. C'est effacé de la photo de la manifestation, au point que le journal israélien Le Hamam Vesser publie en page 3 de son édition, sauf que si vous regardez bien, il manque des gens. Eh bien oui, c'était la méga manifestation qu'il y a eu à Paris dimanche dernier. Et puis, il manque des gens. Hein. D'abord, on a cru qu'il manquait seulement Angela Merkel. Y aurait-il des motifs politiques? Est-ce que c'est parce qu'elle est allemande? Mais dans ce cas, il serait étrange que Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, y figure encore. Il est un adversaire politique autrement plus direct. Et puis, à y regarder de plus près, Angela Merkel n'est pas la seule femme à avoir disparu. La maire de Paris, Anne Hidalgo, aussi, leur point commun, c'est être des femmes. Hamam Vesser, journal hassidique israélien, considère la représentation des femmes comme indécente et a donc effacé les deux femmes en première ligne du cortège grâce à un habile montage. Ce n'est pas le seul journal à recourir à cette technique dans une perspective d'orthodoxie. En 2009, l'Express l'avait rapporté à l'époque. Deux journaux orthodoxes, la Shavat Tova et Yetet Niman, avaient effacé deux ministres femmes. Limor Livnat, ministre de la Culture et des Sports, et Sofa Lenvert, ministre de l'Intégration, de la photo du nouveau gouvernement Netanyahou. Imaginons un instant ce que Charlie Hebdo aurait fait de cette histoire de photos trafiquées. Sérieux? C'est ridicule. Tu mets la photo, tu montres les faits. Tu peux pas te mettre à effacer comme ça, sinon quelle crédulité. Comment tu peux dire que ton journal est fiable? En tout cas, vraiment, les cons du jour, c'est les journalistes qui ont fait ce montage vraiment moche. Sinon, ici en technologie, eh bien, 10 extensions géniales que Chrome peut vous faire. Chrome, premièrement, on va y aller comme faut là. Chrome, vous savez c'est quoi? C'est le furteur de Google. Et donc, votre navigateur peut être pimpé avec des extensions. Je le sais, la plupart des gens ne s'occupent pas de cela, mais les gens qui sont toujours sur leur ordinateur aiment bien les extensions. Je vous en envoie quelques-unes. Premièrement, Imagus, marre de voir des vignettes en tout petit et de devoir cliquer sur des liens pour voir toutes les images qu'ils contiennent. Alors, Imagus est fait pour vous. C'est un outil pratique dont vous aurez très vite du mal à vous passer. Pour le site Imgur particulièrement, c'est très pratique. Donc, ça nous permet de voir les thumbnails plus gros. Subscription Grid for YouTube. Lorsque vous affichez vos abonnements sur YouTube, celui-ci n'affiche qu'une minuscule fenêtre avec 5 chaînes. Mais avec cette extension, vous verrez apparaître une grande page toute bien faite avec une cinquantaine de petits onglets dédiés à vos recherches habituelles selon votre algorithme de recherche, selon vos goûts, vos préférences ou selon vos dernières vidéos que vous ayez visionné sur votre compte. Magic Action for YouTube. Donc, pour un YouTube parfait qui correspond à vos besoins, la HD automatique, le mode cinéma, cacher les commentaires et encore un bon million d'autres fonctions qui vont vous aider à faire de votre YouTube la meilleure chaîne de TV de l'histoire. Donc, Magic Action for YouTube. Le Web Timer, c'est un compteur clair et précis qui vous indiquera combien de temps vous avez passé sur le net et à regarder quoi. Donc, si vous passez votre temps à dire « je ne suis pas accro » et la plupart des trucs que je lis, c'est des articles de fond, eh bien, il y a désormais un outil pour vous dire si vous êtes un hypocrite ou pas. Donc, le Web Timer, qui est une extension Chrome. Sinon, autre extension Chrome, c'est « Read Later ». Il a l'air bien cet article, mais là, vous n'avez pas le temps. Le dossier, je ne sais pas quoi, est à finir. Quelques autres travaux au boulot et autres niveaux de Candy Crush peut-être à réussir. Hein? Et là, peut-être un enfant aussi qui vous suit partout en disant « papa, papa, maman, maman, maman », etc. Donc, vous n'aurez pas le temps. Ce Read Later est là pour vous. En un clic droit, vous sauvegardez le lien de l'article et vous reviendrez sur l'application quand vous aurez un peu plus de temps devant vous. Read Later. Le page eraser. Certains éléments de vos sites préférés vous gonflent. Une head bar, donc des barres ou de la publicité, un pop-up. Vous rêveriez d'avoir une gomme virtuelle pour virer tout ce qui vous déplaît. Eh bien, vous l'avez maintenant avec page eraser. Réfléchissez quand même sur ce que vous virez si vous êtes vraiment fan d'un site, genre le site de C'est fou. Eh bien, et que vous virez tout ce qui le fait vivre tout en y allant tous les jours, c'est un petit peu contradictoire. Oui, tout à fait. Donc, le page eraser qui vous permet d'effacer ce qui vous tente dans la fenêtre, les pop-up, etc. et autres barres latérales ou autres. Le Google Dictionary, double-cliquer sur un mot et savoir ce qu'il veut dire dans n'importe quelle langue est un outil qui peut vous permettre d'améliorer votre anglais, votre espagnol et même votre ouzbékistan, votre ouzbek, si vous ne devez ajouter qu'une application, prenez celle-là. Donc, le Google Dictionary, vraiment, wow! Tu sais, moi, là, j'en apprends autant que vous en ce moment, vraiment intéressant. C'est des extensions, ça fait vraiment longtemps que j'avais pas vu des extensions, parce que d'habitude, c'était vraiment assez poche, les extensions. Je trouve, à mon avis, assez inutile, la plupart des trucs. Là, ce qu'on en voit ici, c'est vraiment pratique. Vraiment, vraiment pratique. Hein? Le bouton panique, le panic button. Donc, une autre extension pour Google Chrome. Besoin de fermer tous les onglets d'un seul coup, mais sans fermer le navigateur pour ne pas passer pour la personne qui regarde son fond d'écran de manière très intense. Alors, prenez panic button, une applique qui porte très bien son nom. En un clic et en un raccourci de clavier, vous pourrez fermer et rouvrir tous vos onglets qui sont en cours. Pratique pour ceux qui aiment bien regarder des vidéos de fesses ou ceux du 11 septembre ou bien des chats ou peut-être des deux, hein, des deux sortes de vidéos, tout ce que vous voulez. Peu importe, Panic Button est pour vous. Neuvième application, Mail Track. Donc, si vous utilisez un compte Gmail et que vous envoyez souvent des mails collectifs pour le boulot ou vos hilarants PDF d'histoire plate à se taper le cul par terre, eh bien, vous pourrez voir qui ouvre et qui n'ouvre pas vos mails. Une version googlisée du vu de Facebook qui, à l'image de celui-ci, vous permettra de maudire les connards qui ne vous répondent pas alors que vous savez très bien qu'ils ont vu votre message. Et ben ça, c'est bien. C'est donc un accusé réception Mail Track. Je me demandais justement comment le faire sur Google. Eh bien, c'est Mail Track que ça prend. Génial. Et sinon, autre extension, eh bien, c'est l'extension Hola, le VPN le plus simple du monde qui vous permettra de contourner certaines lois de limitation de contenu par pays, que ce soit sur YouTube ou sur les sites de streaming légaux. Profitez-en, cette belle époque risque de se terminer bientôt. Donc, profitez-en en ce moment, allez chercher l'extension Hola. Autre extension pratique pour Google Chrome, c'est Lazarus From Recovery, l'extension qui sauvegarde automatiquement tout ce que vous tapez sur votre clavier pendant quelques minutes, et ce, pour pouvoir récupérer un texte si votre navigateur ou votre ordinateur plante. Assez pratique, ça aussi. Le N-Cage, eh bien, c'est une ça, c'est très drôle. L'extension N-Cage, c'est une extension qui remplace toutes les images du web par une photo de Nicolas Cage. Oui, c'est du pur génie et c'est de l'inutile genre de façon majestueuse. Autre petite application ici, c'est LastPass. Créer et sauvegarder pour vous des mots de passe complexes et différents pour chaque site. Vous n'aurez plus qu'un seul mot de passe à retenir. LastPass. Et ça, c'est intéressant parce que les extensions Google sont, à mon avis, là, me semble, si je ne me trompe pas, sont gratuites. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de sites qui vendent des applications justement de mots de passe. Là, ça va être gratuit pour vous, LastPass. Et en bonus, celle-là, je la connaissais, eh bien, c'est Adblock. Bien sûr, il y a aussi Adblock et on ne l'a pas oublié, mais c'est grâce à la publicité que nous vivons, puis embauchons et puis pouvons faire vivre le web. Alors, si tu aimes les nouvelles, si tu aimes ton journal virtuel, eh bien, désactive-le au moins pour certains sites Internet. Donc, amour, paix et tout ce que tu veux avec toutes ces explications d'extensions extraordinaires que Google Chrome nous offre. Et je viens d'aller voir la vidéo que je vais vous parler à l'instant. C'est d'un comique ridicule. Et c'est surtout ridicule que ça arrive dans un magasin. Je peux pas comprendre qu'on laisse une arme chargée de cette façon. Je vous explique. Un policier se tire une balle dans la main en essayant une arme, OK? Donc, un policier qui est en train d'essayer un pistolet de calibre 380 au comptoir d'une armurerie s'est tiré accidentellement une balle, dans la main. L'homme ignorait bien sûr que l'arme était chargée au moment de l'essayer. Dans l'accident, il a quand même perdu le bout de son doigt. Suite à cet incident, le policier a perdu son emploi. Une plainte contre le magasin a été déposée et l'ancien agent demande bien sûr des réparations. Et là, je vous explique, parce que ça, c'est le texte explicatif, là, mais si vous allez voir la vidéo, eh bien, tu vois le gars. Bon, il pose des questions, regarde le gun, il va, il crinque. Mais tu sais, la dame, ou le monsieur, mais on dirait que c'est une dame, prend l'arme dans un comptoir et lui donne. Il prend pas la peine de lui dire « Attention, il est chargé ». Et de toute façon, comment ça se fait qu'une arme est dans un comptoir chargé? Moi, ça, je peux pas comprendre. Donc, oui, le policier est épais, rare. Mais le magasin est encore plus responsable, moi, je trouve, parce que t'es pas supposé de vendre. Donc, oui, c'est correct que tu... Ben, c'est correct. Bon, ça, c'est à discuter, là, mais... Bon, tu peux vendre des armes si tu veux. C'est pas là la question. Mais de les vendre chargées, assez particulier. Vous irez voir ça, puis vous vous ferez votre propre idée de ce qu'on vient de parler. C'est ridicule. On va rester dans le domaine de la police et de la niaiserie. Eh bien, ça se passe en France cette fois-ci. C'est un homme qui a été arnaqué par son dealer. Il s'est rendu au commissariat de police pour porter plainte. C'est pas la première fois en plus, hein? On en a parlé souvent des nouvelles comme ça. Donc, un jeune homme de 17 ans a déboulé à l'accueil du commissariat boulevard Belfox à Roubaix. Il a expliqué aux fonctionnaires qu'il avait été victime d'une escroquerie alors qu'il voulait acheter du cannabis. Dans son récit aux policiers, l'adolescent a raconté avoir confié 20 euros au jeune homme rencontré rue Lanoïde qui devait se charger de lui fournir du cannabis. Mais au lieu de lui remettre la marchandise, le vrai vendeur s'est enfui avec l'argent. Arnaqué, l'acheteur a expliqué aux policiers après avoir repéré la maison dans laquelle s'était réfugié le dealer. La plainte n'a pas été enregistrée, mais les deux protagonistes ont été entendus le lendemain au commissariat. Une enquête a été ouverte et les conclusions seront transmises au parquet de Lille, qui décidera ou non de poursuivre les deux individus. Selon l'ordre des avocats au barreau de Lille, la franchise du plaignant pourrait bien se retourner contre lui. La tentative d'acquisition de stupéfiants est un délit, bien sûr, punissable par la loi. Ben oui! Si tu t'es fourré, tu t'avales la pilule, puis tu dis « fuck all », hein? Tu dis « la prochaine fois, je fais pas affaire avec du monde de même », ou en tout cas, hein, ça nous est tous arrivé de nous faire fourrer dans la vie. Ça, c'est une belle histoire. Vous allez voir, c'est la cutitude totale. C'est l'histoire la plus cute de la journée, ça, c'est bien sûr. Vous allez voir, c'était une petite bouquetière et un porteur d'alliance quand ils avaient 3 ans. Eh bien, 20 ans plus tard, ils se marient. Britney et Briggs Fousey avaient 3 ans lorsqu'ils ont marché dans l'allée pour la première fois. En 1995, ils avaient été choisis par la marraine de Briggs pour être bouquetière et porteur d'alliance à son mariage. 20 ans plus tard, le destin les a réunis à nouveau. Donc, les deux jeunes fréquentaient l'école secondaire Blaine de Minneapolis lorsqu'ils ont réalisé qu'ils s'étaient déjà rencontrés. Lorsque le professeur a pris les présences, Britney a immédiatement su qu'elle connaissait Briggs, qui venait tout juste de se faire transférer dans l'établissement scolaire. Après avoir confirmé avec sa mère l'identité du nouveau camarade de classe, eh bien, la jeune femme a raconté l'histoire de Briggs. Les étudiants ont commencé à se fréquenter durant leur dernière année du secondaire. Après quelques années à entretenir une relation à distance, Briggs ayant poursuivi ses études dans le Wisconsin, le couple s'est enfin retrouvé au Minnesota. Le week-end dernier, Britney et Briggs se sont mariés peu de temps avant la cérémonie. Ils ont visionné la vidéo du mariage où ils se sont rencontrés pour la première fois. Une photo des mariés à l'âge de 3 ans est désormais encadrée dans leur résidence. C'est vraiment une superbe histoire, la cutitude qui prend forme, hein? Ben oui, là, on s'en va dans les humains, comment ils sont-ils? Et ben oui, si ça vous tente d'aller voir ça, Miley Cyrus qui prend son bain pour le magazine V, hein, vous pensiez que c'était une petite crottée? Non, elle prend son bain puis elle nous montre qu'elle se savonne partout, partout, partout. Hein? Elle était peut-être en manque d'attention. La chanteuse de 22 ans a tenu à partager son bain avec des millions de personnes en publiant une image de style Polaroid ou Polaroid de son corps nu, seulement recouvert de mousse sur les réseaux sociaux. Non, elle est seulement recouverte de mousse sur le sexe et sur les boobies. La séance photo signée Shane Thomas devrait apparaître dans la dernière édition du magazine V pour laquelle la starlette avait retiré ses vêtements en août dernier. Les fans de Miley Cyrus pourront également se procurer une affiche d'elle nue via le site officiel du magazine, rapporte le US Weekly. Allez voir ou pas. Tiens, on va rester dans le people. Hein? On parle de Jamie Lynn Spears. Ben oui, la sœur de l'autre qui arrête une bagarre avec un couteau. Ben oui. Non, Jamie Lynn Spears n'a pas perdu la tête comme sa sœur en 2007. Une vidéo de la star de 23 ans avec un couteau dans les mains circule partout sur la toile. Celle-ci tentait d'arrêter une bagarre dans un restaurant. Premièrement, je savais pas que c'était une star de 23 ans, Jamie Lynn Spears. Je savais pas qu'elle faisait de la musique. Mais bon, le 30 décembre dernier, la jeune Spears soupait en compagnie d'une amie au Pita Pit lorsque cette dernière s'est fait agresser sous ses yeux, assommée par une bouteille. Jamie a alors tenté de sauver sa copine en allant chercher un énorme couteau derrière le comptoir de la sandwicherie. Le gérant de l'établissement a réussi à contacter les autorités pendant que la chanteuse brandissait l'arme vers les agresseurs. Les images de la scène héroïque sont virales depuis... Ben oui, assez particulier quand même, et ben tant mieux pour elle si elle est un peu plus saine d'esprit que la grande sœur. Et si ça, c'est pas des gens sains d'esprit, mais quand même, ça vous tente de vous faire aspirer le derrière pour avoir des courbes dignes de Kim Kardashian, eh bien, aspirer son derrière pour avoir son derrière, oui, ses fesses, pour avoir les Kim de Kardashian, et voilà la toute dernière tendance à Miami. C'est le salon Sculpting Goddess qui offre l'étrange traitement d'une durée de 45 minutes, moyennant la somme de $60 pendant l'intervention qui promet de mobiliser le gras. Deux ventouses sont fixées sur vos fesses. Et allez voir les images, c'est particulièrement bizarre. Hein? Plusieurs femmes vantent les résultats de l'aspiration en partageant des images de type avant-après sur les réseaux sociaux. Ben, y a des images avant-après, moi j'aime mieux les avant la plupart du temps. Pas partout, là, mais en tout cas, à quelques places. La propriétaire du salon de beauté explique au Daily Mail que l'effet varie selon les clientes, mais qu'il est généralement apparent après 4 à 6 séances et est permanent. OK. Le traitement adoucirait la peau et éliminerait la cellulite ainsi que les dépôts de gras. L'intervention est de plus en plus populaire aux États-Unis et de nombreuses femmes new-yorkaises se déplacent jusqu'à Miami pour sculpter miraculeusement leur derrière. Et c'est assez particulier parce que ça, dans le fond, ça attire tout dans le cul. Non, mais c'est vrai parce qu'on a des photos même de devant et la fille a perdu de la bédaine. Parce qu'elle s'est faite aspirer avec ses ventouses-là sur le fessier. Parce que les grosses fesses, ben c'est à la mode hein, avec les Kim Kardashian et les Jello de ce monde. C'est ce qui arrive. Ben tant mieux, mais bizarre de pratique. Mais encore là, au moins, en tout cas, c'est un aspirateur à fesses. C'est ce que c'est dans le fond. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.